Jean Bosco, Ndoui Man. Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Voici les grands titres de ce journal. Nous sommes le 3 janvier 2017. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, vient d'être radiée définitivement de la liste des ASBL reconnue par le ministère de l'Intérieur. Le porte-parole de ce ministère explique que cette association n'a pas obtempéré à sa suspension en continuant à ternir l'image du Burundi. Et le président de l'organisation Parsem explique la hausse des prix par la volonté des producteurs de compenser le chiffre d'affaires qui risque de diminuer suite à la taxe de consommation. Mais Faustin Dikoumana propose la refonte de la politique budgétaire pour éviter la hausse exponentielle des prix. 22 personnes sont déjà atteintes de choléra en l'espace de 4 jours au centre de santé de Rugombo en province de Cibitoke. Le médecin provincial de Cibitoke demande à la Croix-Rouge de les aider à combattre cette maladie. Et dans la chronique santé, comme tous les mardis, ce sera la deuxième partie de celle que nous avons consacrée au nerf sciatique. Des éclairages qui seront donnés par Dr Rémi Hagerimana, il est neurologue. Bonjour, la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, est définitivement radiée de la liste des ASBL selon l'ordonnance ministérielle du 21 décembre 2016. Terence Nahiraja, l'assistant et porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la formation patriotique, indique que cette association, malgré sa suspension provisoire, a continué à ternir et continue à ternir l'image du pays. Suivez plutôt Terence Nahiraja. En date du 24 octobre 2016, le ministre de l'Intérieur de la Formation Patriotique a suspendu provisoirement 5 associations sans but lucratif, dont la Ligue ITK. Ces associations ont dévié, en fait, les objectifs qui se sont fixés dans leur statut, se mêlant à la politique et à se coaliser avec les ennemis de la démocratie au Burundi, à participer à la production de faux rapports et de fausses informations sur la réalité sur le Burundi, ce qui est de nature du système à perturber l'ordre public. Et alors, au lieu de se corriger, la Ligue ITK a plutôt continué, a fait le bras de fer, et a suspendu. Elle a d'abord continué à travailler. Secondo, elle a continué à faire un travail très mauvais, à répandre, à s'occuper avec les ONG étrangères pour préparer de faux rapports sur le Burundi en matière des droits de l'homme. Vous l'avez remarqué, il y a un faux rapport qui a été sorti. Et d'ailleurs, le gouvernement du Burundi a sorti une déclaration pour ce qu'il est en faux justement contre ce faux rapport. Eh bien, tout cela est à mise ensemble. Et vu la constitution de la République du Burundi, vu le décret loi numéro 1/011 du 18 avril 1992 portant cadre organique des ASBL, vu l'ordonnance qui suspendait provisoirement justement l'ASBL et Ligue ITK, vu le rapport justement d'enquête qui a été produit par une commission mise en place par le président de la République en 2015, c'était une commission qui devrait justement faire chercher une lumière sur ce qui s'est passé à partir du 26 avril 2015. De tout cela, le ministre de l'Intérieur et de la Formation Patriotique a décidé de radier définitivement la SBL Ligue ITK par l'ordonnance ministérielle numéro 532-2556 du 21 décembre 2016. C'était Terence Nahiraja, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur. Il est également porte-parole de ce ministère. La volonté de compenser le chiffre d'affaires qui risque de diminuer suite à la taxe de consommation pousse à ce que le producteur procède à la hausse des prix. L'autre raison avancée est la rareté des devises. C'est du moins l'explication du président de l'ONG locale, le Parsem, après que la Brarudi et le ministère du Commerce aient revu à la hausse les prix des bières et du sucre. Faustin Dikoumana propose la refonte de la politique budgétaire pour éviter la hausse exponentielle des prix. Faustin Dikoumana, président de cette organisation Parsem. Si le gouvernement a mis une taxe sur une marchandise quelconque, la bière, le sucre, le producteur voit en cette taxe une sorte de cause de risque qui risque de diminuer son chiffre d'affaires. Là, il a tendance de faire des compensations, dire au moins j'ajoute pour compenser sur une éventuelle réduction du chiffre d'affaires. Parce que le prix qui augmente suite à l'augmentation de la taxe ne donne en aucun cas un avantage au producteur. Or, le producteur continue à analyser sa production sous forme de coûts, les matières premières qui doivent être importées, la rareté des devises, le coût de production. Donc tout ça rentre dans la fabrication du produit fabriqué. Alors il y a cette guerre entre l'augmentation du prix liée à la taxe du gouvernement et l'augmentation du prix liée à la politique interne de l'entreprise par rapport à ses ambitions commerciales de chiffre d'affaires. de profits éventuels fabriqués, d'une politique de réinvestissement, par exemple, déjà arrêtée. Alors la politique interne des entreprises garde sa vigueur malgré l'augmentation de cette taxe. Je dois dire que c'est ça justement l'effet néfaste toujours de faire recours à l'augmentation des taxes sur les biens et services, la taxation indirecte sur les biens et services. Et ce qui doit être fait, c'est justement la refonte de la politique budgétaire de notre pays. Il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau du processus budgétaire dans notre pays. Éviter des dépenses inutiles, éviter une indiscipline budgétaire à partir d'un processus de budget cohérent et qui est contrôlé. En dehors de ça, on aura toujours la facilité sur les taxes alors que notre économie n'enregistre pas une croissance réelle, visible, pour justement amortir le choc lié à ces problèmes budgétaires. Et concernant l'harmonisation des prix des produits de la Brarudi à Bujumbura et à l'intérieur du pays, Faustin Dikumana dit qu'une telle décision nécessite une réflexion en raison du coût de transport éventuellement supporté par les commerçants. Encore une fois, Faustin Dikumana. On ne détient pas toutes les informations comptables de la Brarudi pour savoir le coût de production ou de commercialisation de tel ou tel autre produit. Mais au niveau réel, une analyse simple et réaliste, comment est-ce que quelqu'un qui s'approvisionne auprès de la Brarudi et qui fait son commerce à Bujumbura peut appliquer le même prix que celui qui doit commercialiser son produit à Makamba, à Chahuzo, à Muyinga? Là, ça ne se comprend pas. Je crains alors qu'il risque d'être une mesure qui risquerait d'être inappliqué. On l'annonce si au niveau réel, les éléments ne justifient pas l'application d'un tel prix. Au lieu d'avoir les effets positifs, je crois il y aura une violation régulière de la pratique de cette politique, ce qui pourra mettre en cause la crédibilité même des mesures qui sont prises dans de certaines circonstances. Il faut vraiment être réaliste au niveau des prix parce que le commerçant doit toujours incorporer chaque coût supplémentaire lié à une activité commerciale qu'il est en train d'exercer. Sinon, la Brarudi devrait alors supporter d'avance tous ces frais liés à la distribution. Effectivement, c'est la grogne des commerçants des produits Brarudi suite à la récente mesure d'harmonisation des prix pratiqués à Bujumbura avec ceux de l'intérieur du pays. Ils expliquent qu'ils risquent de travailler à perte en raison des dépenses qu'occasionne le transport depuis les dépôts de grossistes jusqu'au cabaret des détaillants. Ces derniers demandent que cette mesure soit revue. Apollinaire Mouzagara pour les détails. Les prix qui sont déjà applicables en Gozi sont les mêmes que ceux fixés récemment par la Brarudi sur presque tous ces produits. La Primus 72 centilitres coûtait 1400 fambou, l'Amster 65 centilitres 1800 et l'Amster Royal 2000 francs sur bon nombre de biscuits d'Ongozi. Les tenants de ces biscuits des produits Brarudi disent ne pas comprendre comment appliquer les mêmes prix qu'à Bujumbura alors que là-bas, les mini-dépôts SSD de la Brarudi sont éparpillés dans tous les quartiers, ce qui n'est pas le cas en Gozi. Il souligne donc qu'il dépense entre 300 et 400 francs par casier de transport du grossiste jusqu'au cabaret du détail. Il demande par conséquent à la révision de cette mesure afin de ne pas travailler à perte. Les grognes font parler d'air angosi au moment où les dépôts des produits Brarudi sont actuellement vides. Ceux qui vivent de ce commerce indiquent qu'ils n'ont plus d'occupation car toutes les caisses sont vides, donc les portes des bistrots sont fermées. Merci Apollinaire. Et la rédaction Isanganiro attend toujours la réaction de la brasserie du Burundi Brarudi sur cette question. Parlons toujours de la hausse des prix. La hausse des prix des produits de la société sucrière du Mosso, Sosumo et de la Brarudi est due au coût de production, bien que non clarifié dans le budget de l'État de cette année. Explication du directeur général du commerce, Sébastien Zimana, qui explique cette hausse par le respect de cette loi des finances. La hausse du prix du sucre se dit à la loi budgétaire, on a ajouté 200 francs. Le prix du kilo, ça a quitté de 1900 à 2200. Les 3 francs qu'on a ajouté, il y a 200 pour, prévus dans la loi budgétaire et il y a 100 francs prévus par l'entreprise en question, c'est fixé souvent par le conseil d'administration de l'entreprise. Compte tenu des prix souvent des matières premières qui sont souvent variables. Il y a également la Brarudi qui a revu à la hausse le prix à la bouteille alors que dans la loi des finances 2017, c'est prévu juste 50 francs par bouteille. Quelle est l'explication à cela? Effectivement, c'est dans le même sens. Même l'entreprise de Brandy a revu à la hausse. C'était produit et on a ajouté 100 francs, les 50 qui est prévu par la loi budgétaire et 50 francs dit aussi à cette entreprise. Les Burundais ne devraient pas s'inquiéter de cette hausse des prix alors que ce n'est pas la même chose que ce qui est fixé par la loi des finances. Qu'est-ce que vous leur direz? Il n'y a pas à s'inquiéter parce que c'est fixé par le conseil d'administration de l'entreprise. Voilà, c'était le directeur général du commerce au téléphone avec Mireille Kanyangé. Il est 13h06 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 22 personnes sont déjà atteintes de choléra en l'espace de 4 jours au centre de santé de Rugombo en province Cibitoki. Cette maladie s'est déclarée précisément sur les collines Marambo 1 et 2, Munyinya 1, ainsi que sur la colline Ruvyagira de la commune de Rugombo. Les responsables administratifs et sanitaires disent qu'ils vont sensibiliser la population au respect des règles d'hygiène et désinfecter aussi les maisons de ces patients. Le médecin provincial de Cibitoki demande à la Croix-Rouge Burundi de les aider à combattre cette maladie. Santé toujours avec l'hôpital le prince Régent Charles qui va désormais soigner les patients atteints de la cataracte. Ce service sera offert aux patients suite à un don du matériel moderne octroyé à cet hôpital par les médecins chinois. Comme l'explique Pamphile Bukuru, il est chargé de la communication au ministère de la Santé. Il y a juste 2 mois, les médecins chinois, dans le cadre de la coopération du Burundi avec la République populaire de Chine, ont envoyé une équipe de spécialistes chinois dans une campagne appelée campagne Marche vers la lumière pour opérer les patients atteints de cataracte. Et pendant cette opération, plus de 180 personnes ont été opérées de cataracte et les opérations ont réussi. Après les opérations, ils avaient amené de la Chine du matériel sophistiqué et ce matériel a été octroyé en don à l'hôpital Prince Régent Charles. Ce matériel pourra encore être utilisé par les médecins chinois qui sont là dans le cadre des missions médicales chinoises qui sont envoyées chaque année. Nous sommes maintenant à notre 17e mission médicale. Ils sont là et parmi ceux-là, il y a des médecins ophtalmologues qui sont là, qui vont utiliser ce matériel. Il y a bien sûr des Burundais qui sont encadrés et qui ont appris à utiliser ce matériel. Donc les patients qui ont la cataracte peuvent avoir ce service à cet hôpital maintenant. C'était Pamphile Bukuru, il est chargé de la communication au ministère de la Santé. De la Santé, on passe au sport. Une trentaine d'athlètes sont dans un regroupement au chef-lieu de la province de Gitega depuis le début de cette semaine en cours pour préparer une compétition internationale dite cross-country prévue en Ouganda au mois de mars prochain. Après ce regroupement qui va durer 8 jours, sont prévues des compétitions d'entraînement dans le pays. Les précisions du directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi. D'abord, c'est pour harmoniser les entraînements entre les coachs, entre les entraîneurs, les techniciens, et puis aussi essayer d'orienter les entraînements vers les grandes échéances que nous avons au niveau mondial, principalement dans cette période où nous préparons le cross-country mondial qui va se dérouler en Ouganda en date du 26 mars de cette année. Donc, c'est juste aussi pour donner les capacités, renforcer les capacités des athlètes au niveau technique, au niveau de l'entraînement en général. Et comme ça, on présente les équipes qui sont prêtes à ce grand rendez-vous. C'est pas seulement ça, mais à côté de cela, il y a aussi les moyennes et longues distances. C'est-à-dire les enfants, on est au début de la saison, c'est justement pour donner une base solide pour essayer d'acheminer un bon entraînement et qui va vers le spécifique et qui va aider les athlètes à affronter exactement les grandes échéances. Vous avez rassemblé combien d'athlètes et combien d'entraîneurs? En général, c'est 35 athlètes. Puis, il n'y a pas peut-être l'un ou l'autre qui serait absent à cause des raisons personnelles. Et sinon, c'est 35 plus 6 entraîneurs et avec bien sûr des superviseurs. Avant le cross-country qui va se dérouler en Ouganda, n'y a-t-il pas une autre activité ou entraînement qui est prévu? Sur le calendrier de la fédération, le plan d'action, il y aura un cross-country qui va se déroulé à Nyakararo, c'est dans la région sud qui regroupera les 4 provinces du sud. Et puis un autre cross-country de l'ouest qui va se dérouler ici à Bujumbura. Et puis un autre cross-country régional qui va se dérouler le 21 de ce mois, c'est-à-dire au sud c'est le 15 janvier, au nord c'est le 21 janvier. Et avec un autre cross-country qui régional aussi qui regroupe les 4 provinces de l'ouest qui qui devrait se dérouler le 8, mais malheureusement, puisque pour ne pas cumuler les activités, il faudra falloir essayer d'ajourner le cross-country de l'Ouest pour voir comment aérer les compétitions en cheminant vers le cross-country national qui va se dérouler, je crois, en février. Voilà. C'était Sylvain Rensengui-Yumva, c'est le directeur technique de la Fédération d'athlétisme du Burundi. Il a été joint au téléphone par Évariste Nzikobanyanga. Les acquéreurs de parcelles au quartier Zégué dans la ville de Gitega doivent construire des maisons en étage au moins de deux niveaux. Dans un communiqué sorti fin décembre par la Direction générale de l'urbanisme et de l'habitat, antenne régionale Centre-Est, l'on précise que cette mesure concerne toutes les parcelles non encore bâties. Même ceux qui ont déjà reçu leur autorisation de bâtir devront changer leur plan de construction et chercher de nouvelles autorisations. L'objectif, selon ce communiqué, étant de faire de la ville de Gitega une capitale politique digne de son nom. On marque une pause et c'est pour annoncer l'actualité internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est directement visé par une enquête pénale sur des soupçons de corruption parce qu'il aurait reçu plusieurs dizaines de milliers d'euros de cadeaux de la part d'hommes d'affaires. Et au Brésil, 60 prisonniers ont été tués au cours d'une sanglante émeute qui a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi dans la prison de la ville de Manaus. L'émeute a opposé deux groupes rivaux de prisonniers tard le dimanche. En Somalie, deux attentats suicides contre le siège de la MISOM, la mission de l'Union africaine en Somalie, ont causé la mort d'au moins 4 personnes ce lundi 2 janvier. Les précisions de Didier Nyonzima. En Somalie, deux attentats à la voiture piégée dans la capitale somalienne Mogadiscio ont tué au moins 4 personnes ce lundi 2 janvier. Selon le site web de France 24, il s'agit des membres des forces de sécurité, a indiqué la police. La première attaque a visé un barrage de sécurité érigé devant le siège de la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom en sigle. L'explosion a été très forte et a causé des dégâts jusque dans les immeubles résidentiels à proximité. La deuxième explosion a ciblé l'hôtel de la paix, non loin du siège de la Missom. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les milices islamistes Shabab mènent fréquemment ce genre d'attaque. Au Brésil, 60 prisonniers ont été tués au cours d'une sanglante émeute qui a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi dans la prison de la ville de Manaus. L'émeute a opposé des groupes rivaux des prisonniers tard le dimanche et n'a pu être maîtrisée que ce lundi matin. Selon le site web de la BBC Afrique, le chiffre de 60 morts pourrait augmenter, assure le chef de la sécurité de l'État d'Amazonie. Le Brésil est sévèrement critiqué par les organisations des droits de l'homme pour le surpeuplement de son système pénitentiaire. En 1992, une émeute avait conduit à la mort de 111 prisonniers dans la prison de Tcharandiru dans l'État de São Paulo. Et en Israël, après des mois d'investigation, l'audition d'une cinquantaine de témoins, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est directement visé par une enquête pénale. Selon le site web de la RFI, trois policiers venus entendre Benjamin Netanyahou sur des soupçons de corruption sont arrivés en début de soirée lundi 2 janvier à la résidence du Premier ministre israélien. Le chef du gouvernement aurait reçu plusieurs dizaines de milliers d'euros de cadeaux de la part d'hommes d'affaires. Et les enquêteurs s'interrogent sur les raisons de ces présents s'il s'agirait des pots de vin. L'audition a duré 3 heures. Aucun élément n'a filtré pour le moment, mais avec cette enquête, l'horizon politique du Premier ministre israélien s'assombrit. Radio Isanganiro Chronique. Et comme annoncé dans les titres, c'est la deuxième partie de la chronique santé consacrée au nerf sciatique. Les douleurs au niveau du nerf sciatique s'estompent rapidement si le patient se fait soigner à temps. Par contre, au fil du temps, le territoire où passe son nerf peut perdre la sensibilité, comme on va l'entendre dans cette chronique aujourd'hui, préparée par Clarine Nkurunziza et docteur neurologue Rémi Hagerimana. Comme nous l'avons vu dans la chronique précédente, les douleurs au niveau de son nerf sciatique peuvent être causées par plusieurs choses, parmi lesquelles un accident. Cependant, deux personnes peuvent avoir une même lésion vertébrale, mais ne pas avoir cette sciatique, comme nous le dit Dr Hagerimana. Parce que déjà, peut-être la personne était déjà obèse, il faut donc éviter l'obésité. Parce que déjà, la personne était déjà sédentaire, ne bouge pas. Donc, il faut faire des activités physiques. Et puis, ce qu'on voit souvent aussi, il faut éviter de soulever des objets lourds et donc changer la forme physiologique du rachis. parce que le rachis a sa forme physiologique, il faut que cette forme-là reste. L'autre élément qui semble être banal, mais qui peut provoquer au fil du temps les douleurs au niveau de la sciatique, est le port des sacs à main chez les dames. D'après toujours Dr Hagelimana, une femme enceinte peut aussi sentir à un certain moment ses douleurs au niveau de la sciatique, surtout si elle a eu beaucoup de grossesse. Parce qu'à un moment donné, les muscles deviennent, avec la tension donc de la grossesse, la tension musculaire, les muscles finissent par devenir un peu flasques et ne tiennent plus la colonne vertébrale et l'onde sciatique est comprimée très facilement. Avec ces douleurs au niveau de la sciatique, le simple toucher sur un des membres ou pas son nerf peut être pénible, tout comme le fait d'uriner ou de faire le grand besoin. On peut trouver que le patient, effectivement, là où passe le nerf sciatique, il y a un trouble sensitif. Soit le patient ne sent pas là où passe son nerf sensitif, dès que vous touchez, vous dites je ne sens rien. Ou bien par contre, on peut avoir une hyperesthésie. C'est-à-dire que vous allez toucher dans son territoire par où passe le nerf sciatique, le patient vous dit dès que vous le touchez, il sent une sorte de brûlure. Vous provoquez une douleur, alors que normalement c'est un toucher qui n'est pas douloureux. Autre chose qu'on peut voir à l'examen, c'est qu'on peut trouver aussi que le patient est paralysé. C'est ce qu'on appelle sciatique paralysante. Le patient peut avoir donc un déficit au niveau du membre qui est touché. Le plus souvent, au début, vous pouvez avoir un patient qui ne parvient pas à faire une dorsiflexion du pied. On ne peut pas relever le pied, il y a un déficit. Et les muscles, effectivement, au niveau de la jambe, quand vous les regardez, ils sont des fois atrophiés. Et le patient aura du mal à marcher. Et quand il marche, vous allez voir le patient qui fait ce qu'on appelle steppage. C'est-à-dire qu'il sera obligé de soulever beaucoup le genou pour ne pas cogner son pied contre le sol quand il est en train de marcher. En ce qui concerne le traitement, la personne doit éviter de prendre des médicaments contre la douleur non prescrits par le médecin. Docteur Hagelimana explique que les médicaments soulagent seulement cette douleur quelques instants. Vaut mieux donc soigner ce qui a provoqué cette douleur. Malheureusement, on voit les patients qui vont dans les pharmacies prendre des diclofenac, ça va marcher. Mais ça ne marche pas. Ça va soulager un peu la douleur quelques instants. Mais après, ça ne va pas marcher parce que vous n'avez pas joué sur les mécanismes physiopathologiques de son nerf sciatique. Donc, il y a des médicaments qu'on doit combiner pour pouvoir traiter son nerf sciatique. Il y a des meilleurs relaxants, des anti-inflammatoires, des médicaments qui agissent sur la douleur neuropathique. Si vous ne les combinez pas, diclofenac seulement, ibuprofène, ça ne marcherait pas. Vous perdez votre temps. Bon, maintenant, si le traitement médical ne marche pas très bien, on peut aussi céder par la kinésithérapie. Maintenant, si on trouve que ça ne marche pas non plus, on est amené à faire une radiographie. Même, on peut même la faire dès le départ. Si on voit qu'il y a des lésions vraiment qui nécessitent nécessairement une opération, cette radio pourra être complétée par d'autres examens complémentaires qui sont plus sophistiqués, comme l'IRM. Et puis, si on voit qu'il y a une indication opératoire, on est obligé de référer chez un neurochirurgien qui va faire une opération neurochirurgicale et éventuellement traiter définitivement la sciatique. D'après toujours notre docteur neurologue Rémi Hagelimana, dormir ou rester sans bouger à un même endroit n'est pas la solution quand vous avez ces douleurs au niveau de la sciatique. Il conseille plutôt de faire bouger les muscles du corps autant de fois que vous pouvez, même si au début, cela peut sembler traumatisant. Merci Clarine, merci Docteur Rémi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h19 à Bujumbura et sur l'Isanganiro. Radio Isanganiro, ururirimbo ruhari wiyindwe. Radio Isanganiro.